Moi, je crois que c'est l'Algérie qui a joué un grand rôle pour l'acquisition de notre indépendance, de manière indirecte. Non pas que l'Algérie ait présenté nos problèmes, ils avaient assez de problèmes à s'occuper avec leur lutte, les nationalistes algériens. En revanche, la France a eu peur, effectivement, d'avoir trop de fronts auxquels il fallait faire face, d'une part. Deuxièmement, la France a vu l'exemple de la Grande-Bretagne qui était différente. Très tôt, la Grande-Bretagne va donner l'indépendance d'abord à la Côte d'Or, qui devient le Ghana, et puis ensuite à un certain nombre d'États dans un processus, le Nigeria, mais aussi la fédération de Rhodésie-Nyasaland. Et puis, la troisième raison, je crois, qui fait que l'attitude a été différente, c'est qu'en Algérie, ne l'oublions pas, c'était une colonie de peuplement. Donc, les autorités françaises, même celles qui auraient pu être ouvertes, devaient subir la pression des pieds noirs qui étaient sur place, et De Gaulle, d'ailleurs, a manœuvré longtemps sur ce point. Dans nos pays, il n'y avait pas de colonie de peuplement. Donc, il n'y avait pas cette pression, il y avait juste quelques colons et l'administration qui avait peur de son avenir, les administrateurs coloniaux. Donc, cela, elle pouvait plus facilement les raisonner. En gros, en employant une image, je dirais que c'est l'Algérie qui a porté la croix pour nous. La guerre d'Algérie a eu des répercussions évidentes sur l'ensemble du continent africain et en particulier dans les anciennes colonies françaises. La guerre a été longue, de 1954 à 1962, et jusqu'en 1960 au moins, l'armée française a bénéficié de la participation de soldats venant d'Afrique occidentale et d'Afrique équatoriale. Cette guerre longue qui a mobilisé les pro-indépendance de l'Algérie et les anti-indépendance de l'Algérie a vu aussi monter la contestation parmi ceux des Africains, jeunes étudiants à l'époque en France, pour qui la guerre d'Algérie a été en quelque sorte le baptême politique. Enfin, la guerre a montré que l'indépendance de l'Algérie était une indépendance d'une autre nature que celle des États d'Afrique noire. Dans un cas, indépendance obtenue à la suite d'une longue lutte armée, et dans l'autre, indépendance obtenue à la suite de négociations tranquilles. D'où, aussitôt après l'indépendance, la question de savoir si les indépendances africaines étaient réelles ou si elles avaient été des indépendances concédées.